Voyons, brigadier, maintenant que nous avons un peu de silence, qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans? J'ai vu celle-ci. Et alors? Elle faisait semblant de travailler, mais c'est elle qui avait tailladé le visage de sa camarade. On m'avait provoqué. Je n'ai fait que me défendre. Et la blessure de l'autre femme? Pas grave, mon lieutenant. Eh bien, la belle, vous avez entendu. Avez-vous quelque chose à répondre?